RTL de Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort des Rousses, cave d'exception, comté d'exception. Nordique Magazine, le média numéro 1 du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Tous les jours de course, de 18h à 19h, retour sur les résultats du jour, les analyses des journalistes de Nordique Magazine, mais aussi les tops, les flops et un avant-goût des courses du lendemain. Du 10 au 21 février, RTL de Massif de Savoie se met à l'heure biathlon avec le comté Juraflore, Nordique Magazine et les saisies. Et bonjour à tous, c'est Pierre, vous écoutez RTL2, Massif de Savoie aujourd'hui, dimanche 21 février, de 18h à 19h. Et ben c'est une nouvelle et avant-dernière, finalement, heure biathlon. Alors avec toute la rédaction, bien sûr, de Nordic Mag et Thomas Bray en studio. Bonjour Thomas. Salut Pierre, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'était les dernières courses, c'était les derniers rendez-vous à Paul Yuka avec des Mastart. Et on est plutôt content, tiens, pour Quentin. Oui, très heureux évidemment pour Quentin Fiomelier qui décroche sa médaille de bronze aujourd'hui. On y reviendra bien sûr dans cette heure biathlon, la médaille de bronze donc décrochée par Quentin, c'est la 7e médaille du clan français, voilà, qui a vécu, qui est passé un peu par toutes les émotions aujourd'hui, sur les Mastart dames et puis sur cette Mastart masculine donc qui a clôturé, comme tu le disais, le programme de ces championnats du monde qui se sont refermés donc du côté de Paul Yuka, mais nous on a encore plein de choses à se dire durant cette heure biathlon. Ça va débuter d'ailleurs et traditionnellement avec Florian pour le débrief justement de ces deux Mastart. Voilà, il reviendra en détail sur notamment les médaillés du jour. Et puis ensuite, eh bien, nous recevrons notre invité du jour qu'on a déjà eu dans cette heure biathlon, invité prestigieuse qu'on est très heureux d'avoir à nouveau dans cette heure biathlon. Et ça sera notamment la deuxième partie, le focus sur les Français et les Françaises. Et puis ensuite, on continuera toujours avec la rédaction de Nordic Mag de débriefer cette journée de Mastart. Et oui, on sera à nouveau donc avec Sandrine Bailly, notre invitée du jour, donc vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, multiple médaillé olympique, etc. Et on sera avec Arthur pour la troisième partie de cette émission pour eh bien, essayer de ressortir le top, la performance du jour. Et puis comme d'habitude, eh bien, on terminera par la petite déception, le petit flop du jour. On aura pour cela Arthur et puis Marie qui reviendront nous rejoindre en fin d'émission, voilà, pour cette heure biathlon. Le programme est encore dense et riche, on a plein de choses à dire sur ces Mastart aujourd'hui. Ah, je t'ai pas relancé, j'ai pas dit que c'était Sandrine Marie, je voulais garder encore un petit peu le suspense, mais et c'est tant mieux que ce soit elle. Le format, on revient vite fait sur ce format des Mastart pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne bien. Format en confrontation directe, 30 athlètes, les 30 meilleurs qualifiés, donc on prend les 15 meilleurs du général, plus les médaillés, plus les éventuellement 15 athlètes les plus performants de cette quinzaine, pour donc ce départ en groupe, ce départ groupé, tout le monde part en même temps au coup de pistolet. 12,5 km pour les dames, 15 km pour les messieurs, et puis 4 passages au tir, 2 tirs couchés, 2 tirs debout ensuite, avec le fameux anneau de pénalité qu'a beaucoup visité Emilien Jacquelin. On y reviendra. Ça y est, on a déjà lâché un bout d'info, mais enfin, de toute façon, c'est plus mystère. J'imagine que vous avez déjà suivi ces compétitions. Effectivement, on dit que c'est la reine des courses. Oui, puisque effectivement, on qualifie les meilleurs, et puis surtout, c'est une course en confrontation directe. Tous les athlètes partent en même temps, donc on a coutume effectivement de dire que c'est la course des rois et des reines, et c'est traditionnellement la course qui clôture tous les championnats du monde et les grands événements, donc c'est à chaque fois par cela qu'on termine effectivement les programmes des compétitions. Allez, super, voilà, on sait tout de ce qui va se passer pendant cette heure biathlon, et avant de rejoindre, d'accueillir Florian sur les ondes, on va passer par la programmation musicale RTL de Massif de Savoie avec Demolition Dead. RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Et on est de retour dans cette heure biathlon, et à cette heure-là, Thomas, on accueille Florian. Et oui, comme d'habitude et comme chaque soir de course, on retrouve Florian Burgo de la rédaction de Nordic pour nous faire le débrief des courses du jour. Salut Florian. Salut, bonjour à tous. Alors on va débuter avec toi par évidemment la course des dames avec une nouvelle championne du monde qui se nomme Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne. Oui, cette dernière journée des Mondiaux 2021 a débuté par une première historique puisque c'est l'Autrichienne Lisa Teresa Hauser qui a remporté la Mastart féminine en signant le seul 20 sur 20 de la course. Et c'est donc une première historique puisque c'est la première Autrichienne à être sacrée championne du monde. Et avec une course féminine marquée par une grosse bagarre dans ce dernier tour, dans ce dernier tir également pour les médailles. Oui, pour les médailles, Sila Letton, Baiba Bendika étaient au dernier tir avec Lisa Teresa Hauser, et elle a craqué sur ce tir. Et la bagarre pour les médailles s'est déplacée entre les Norvégiennes Tandrevold, Olsbu et Koff. Et l'Italienne Lisa Vittozzi, qui était partie quelques secondes devant les Norvégiennes. Mais cette dernière a craqué dans le dernier tour à ski. ce qui a fait que c'est les trois Scandinaves qui se sont joués les breloques. Et finalement, c'est Tendrevold et Eckhoff, grande amie dans la vie, qui monte sur le podium avec une Holzbou dépassée pour quelques centièmes de seconde et très très peinée dans l'air d'arrivée. Et ouais, avec donc deux nouvelles médailles pour le clan norvégien aujourd'hui. Derrière donc Lisa Teresa Hauser, la nouvelle championne du monde de cette Mastart. Et puis on passe à la course des garçons avec eh bien une nouvelle médaille pour le clan français. On l'attendait, elle est enfin là, la médaille individuelle pour Quentin Fillon-Maillet. Oui, Quentin Fillon-Maillet, 3x4e depuis le début de ces championnats du monde. Il termine sur une très très bonne note puisqu'il remporte la médaille de bronze malgré une faute sur chaque tir couché. Pour commencer la course, le Jurassien a réussi des debouts parfaits et il sortait du quatrième pas de tir en quatrième position, donc à la bagarre pour les médailles. Ouais, avec là aussi, un peu comme chez les filles, une grosse bagarre dans ce dernier tour pour les médailles. Oui, si ce tour-là, la grade était intouchable pour la médaille d'or avec un très joli 19 sur 20. Fillon-Maillet avec Johannes Dalleux, dont tous les deux fondus sur Simon Eder et Jakob Fact. Ces deux-là qui étaient trop justes dans le dernier tour et ils ont été devancés par le duo franco-norvégien. Et c'est finalement le Norvégien Dalleux qui a été le plus véloce pour prendre l'argent devant un Quentin Fillon-Maillet satisfait de sa médaille de bronze. Et avec donc Sturla Lagerid qui empile sa quatrième médaille d'or de ses mondiaux. Oui, pour ses premiers mondiaux, il réalise une prouesse exceptionnelle puisqu'il devient le premier, comme tu l'as dit, à remporter quatre médailles d'or. Donc celle de la Mastart aujourd'hui, plus celle du mixte en ouverture, l'individuel mercredi et le relais hier. Voilà, avec donc cette septième médaille du côté des Français, évidemment avec cette médaille de bronze de Quentin Fillon-Maillet. On reviendra en détail tout à l'heure avec notre invitée du jour, Sandrine Bailly, sur la performance justement de nos Français et de nos Françaises. Merci beaucoup Florian. Merci à vous. Merci Florian, merci Thomas. Alors effectivement, notre invitée du jour, on l'a déjà dit, mais on va le répéter, c'est Sandrine Bailly qui nous avait déjà porté chance jeudi dernier de mémoire. Exactement, elle était là pour débriefer avec nous le relais simple mixte avec le titre de Julia et d'Antonin. Et puis aujourd'hui, bien, c'est une nouvelle médaille qui accompagnera donc Sandrine tout à l'heure dans le focus sur nos Françaises et nos Français. Ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les Saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Et oui, 18h19, on est de retour en studio, Thomas, avec ces championnats du monde de biathlon, avec l'invité qu'on est ravi de retrouver, parce que finalement, c'est notre porte-chance, bonheur, comment on peut dire, Sandrine. Oui, c'est vrai, on l'avait déjà eu dans la semaine, c'était jeudi, lors du relais simple mixte, et c'est Sandrine Bailly qui est avec nous également en direct aujourd'hui. On reparlera d'ailleurs d'une nouvelle médaille française avec toi, Sandrine. Bonjour Sandrine, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir à tous et merci à vous surtout. On débute donc cette partie débrief et ce focus notamment sur les Françaises. On va débuter évidemment par la course de cette fin de matinée avec des Françaises qui sont passées un petit peu au travers. On les a senties peut-être un peu émoussées sur cette dernière Mastart du programme de cette grosse quinzaine des mondiaux. La première d'entre elles, c'est Julia Simon, 16e aujourd'hui. Julia qui avait le dossard rouge de leader de la spécialité sur le dos, qui sort 3 balles. Ça l'a finalement pas sortie de la course tant que ça, puisque elle a continué à cravacher pour finir le travail. Elle savait qu'il y avait des points à aller chercher aujourd'hui. C'est peut-être ça l'enseignement aujourd'hui, Julia Simon, qui perd beaucoup sur ce premier tir, mais qui reste dans le match et qui reste dans la bagarre. Ouais, c'est vrai qu'elle reste au contact. Après, c'était double enjeu pour elle aujourd'hui, étant donné qu'elle a le dossard rouge et qu'il y a quand même un super objectif à aller chercher à la fin, qui est de ramener ce globe à la maison. C'est vrai que pour elle, chaque point compte et au-delà du fait de rater un tir, il faut qu'elle se projette toujours plus loin et c'est un bon enseignement pour elle de devoir se remobiliser assez vite parce qu'il y a cet objectif final qui fait que chaque point compte énormément. Ouais, et puis on retiendra, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure avec toi, bien sûr le titre mondial quand même pour Julia sur le relais simple mixte. Julia qui termine donc 16e, mais qui marque quand même des points intéressants dans cette quête pour le petit globe de cristal. Elle est toujours en tête de ce classement avec 6 points d'avance désormais sur Royce Land. Ça s'est resserré derrière parce qu'il y a Hauser, il y a Eckhoff aussi qui ont marqué de gros points aujourd'hui. Il va rester une dernière Mastart avec cet objectif là pour Julia, certainement du côté d'Östersund. Et ouais, c'est clair que Östersund, là, ça va être vraiment tendu pour beaucoup de filles. Il y a des belles choses à aller chercher. C'est assez serré au final cette fin de saison pour beaucoup, chez les garçons comme chez les filles. Et du coup, ça va être un peu palpitant, sachant que cette quinzaine a été quand même émotionnellement et puis même physiquement assez difficile. En effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, les filles sont un peu émoussées, les garçons aussi. Je pense que tout le monde en a un petit peu marre là. Donc ça va être à qui récupère le mieux et à qui on a gardé le plus. Sera le plus motivé pour la fin de saison. Quoi. Ouais, les autres Françaises, on en parle également, Anaïs Bescon, 23e aujourd'hui. Ah. Anaïs, voilà, c'était l'invité de dernière minute, hein, vraiment. Ah oui, oh, ouais, franchement, moi en plus, c'était pas gagné en fait qu'elle fasse cette course, sachant que surtout au championnat du monde, en général, il n'y a pas vraiment de désistement, mais bon, Denise Herrmann, du coup, je ne sais pas vraiment ce qu'elle a eu, mais ça peut arriver, et puis elle a saisi sa chance, mais voilà, Anaïs, elle passe une saison compliquée, et finalement, c'est à l'image un petit peu de sa saison, quoi. Ouais, saison compliquée, effectivement, pour Anaïs, qu'on a vu notamment très touchée après le relais féminin. Une autre Anaïs qui avait parfaitement débuté ses mondiaux, elle, c'est Anaïs Chevalier, aujourd'hui 27e. Voilà, trop d'erreurs, seul pas de tir aujourd'hui pour la Dauphinoise. Eh oui, c'est vrai que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément, et puis aujourd'hui, c'était pas dans un bon jour pour Anaïs qui dit qu'elle est déçue évidemment, et après c'est 15 jours, c'est long, et il faut après essayer de quand même de malgré tout, même si on a mal terminé, se rappeler qu'elle a réussi à faire des belles choses, surtout en début de période. Donc, il y a quand même beaucoup de positifs pour elle à la sortie de ces mondiaux, malgré tout. Ouais, et puis, on a une athlète sur laquelle on a un gros point d'interrogation, c'est Justine Brezaz-Boucher qui passe au travers, hein, vraiment de ces mondiaux, qui n'a jamais réussi vraiment à être dans le tempo. Puis aujourd'hui encore, sur le pas de tir, voilà, il y a 7 erreurs aujourd'hui pour Justine. Ouais, Justine, c'est vraiment... On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, trouver... les clés de la réussite, hein. C'est un problème de fond chez Justine, je pense. C'est toute une mise en route à redéfinir. Voilà, elle va devoir faire un gros travail d'analyse sur elle-même, sur ce qu'elle a fait, qui n'a pas fonctionné cette saison. Et voilà, ça peut être un mal pour un bien pour l'année prochaine et les saisons futures si elle sait bien analyser les choses. Ouais, exactement. Voilà, c'était le petit focus sur les Françaises. On va passer, si tu le veux bien, Sandrine, sur la course des garçons avec, eh bien, voilà, une médaille très attendue, celle de Quentin, qui a beaucoup tourné autour de ce podium et qui finalement, eh bien, voilà, a attendu le dernier jour pour s'offrir cette médaille de bronze. Ouais, puis le dernier jour, j'ai envie de dire la dernière montée, quoi. Ouais. Le dernier jour du dernier jour, la dernière ligne droite, mais c'est sûr que Quentin, il était tellement frustré qu'on avait tellement envie pour lui qu'il réussisse enfin à monter sur ce podium et avoir cette médaille tant voulue sur des mondiaux. Je pense que il aurait espéré plus évidemment, mais que voilà, il doit se contenter de ça pour le moment. En tout cas, cette saison, c'est comme ça. C'est un peu une saison de frustration, mine de rien, et quelques récompenses ponctuelles, mais c'est encore, je pense qu'il en attend encore plus. Et pareil, un peu comme Justine, il devra voir un peu ce qui n'a pas forcément fonctionné, mais même si je pense qu'il a déjà bien analysé de son côté, pour ne pas refaire les mêmes erreurs l'an prochain et encore aller chercher plus de choses parce qu'il en est capable aussi. Ouais, et puis même la ligne d'arrivée franchie, il a dû attendre encore un petit peu, même si on est sur une mass start, puisqu'il y a eu un petit peu cet imbroglio avec Tarjei, avec Artem Prima, pour une histoire de tapis, avec une réclamation posée par le clan norvégien. Donc même là, il a fallu encore qu'il attende un petit peu avant que la médaille soit officialisée. Hein. Il est vraiment passé par des émotions très, très différentes aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il apprend à être patient et à pas s'enflammer. Et bon, bah ça, c'est un fait de course et ça arrive. Bon, c'était pas pour une médaille d'or, heureusement, mais quand même, il y a eu un petit moment de flottement, en effet. Les autres Français, donc Simon Détu aujourd'hui 13e, il y a une balle qui sort sur ses trois premiers tirs. Pareil, ouais. Peut-être un peu à l'image d'Anaïs Chevalier, on l'a senti très très en forme, très très présent sur le début des mondiaux, et là peut-être un peu fatigué, et on le comprend bien à la fin de ces 15 jours. Ouais, c'est vrai que ça a été une quinzaine difficile à tenir pour quand même pas mal d'athlètes, sauf les Norvégiens, j'ai envie de dire, qui eux, quand même, ils arrivent à supporter la fatigue de manière impressionnante, hein. Et d'ailleurs ils le savent, ils le disent. Je pense que nous, pour le coup, on était peut-être mieux dans les neiges plus froides. Et là, dans ces neiges-là, on a un petit peu eu, en ski en tout cas, c'était moins facile de performer sur cette dernière semaine. C'est comme ça. C'est vrai qu'à Pokljuka, on peut aussi noter qu'il y a eu des conditions. On a tout eu, hein. Ça a été de beaux championnats du monde où il y a eu des conditions de neige, des conditions très froides, des très chaudes. Il a fallu passer par toute une palette de choix de ski. Et c'était pas forcément évident pour tous les athlètes et tout le staff, je pense. Exactement. On en avait parlé d'ailleurs avec Simon Fourcade dans la semaine. Ce changement effectivement de temps, parfois d'un jour à l'autre, pour les organismes, ouais. C'est aussi un peu compliqué à gérer. Les autres Français, donc Antonin Guigonnat, 17e aujourd'hui. Voilà, lui, bien c'est sur son deuxième tir, hein, il sort 3 balles. Ensuite, il a plutôt corrigé le tir avec le 10 sur 10. Ensuite, c'est le 3e et 4e tir. Ouais, c'est vrai qu'après. Antonin, ce qu'il faut se souvenir, ouais, c'est savoir aussi rebondir après un mauvais tir et pas se laisser enfermer dans une spirale négative. Aujourd'hui, finalement, ça, c'est un peu la conclusion de Poliuka. On pouvait s'attendre à beaucoup de 20 sur 20 ou des tirs très rapides et très parfaits. Et au final, il y a quand même pas mal d'athlètes sur certains tirs qui sont sortis de leur schéma justement et qui ont fait pas mal d'erreurs. Donc la porte était ouverte souvent. Et bon, bah là, Antonin, du coup, avec ses 3 pénas, c'était foutu d'avance. Mais je trouve qu'il a quand même fait il aura plein de bons souvenirs. Il était quand même dans cette Mastart. Et pour lui, ça restera quand même une médaille d'or autour du cou avec Julia. Donc ça reste... Pareil, des très bons souvenirs. Ouais, et puis Émilien Jacquelin, lui est apparu complètement dévasté, c'est ses mots. Hein. Je suis dévasté, c'est ce qu'il a expliqué en zone mixte. Avec ses 5 erreurs sur le deuxième tir. C'est ça, c'est dur à, c'est sûr, c'est dur à encaisser. Après, on a vu ses impacts. Ces impacts, ils sont tous en haut à gauche. Mmh. Donc, il n'y a pas eu d'erreur de cible. Voilà, on ne sait pas ce qui t'est passé. Ça arrive, peut-être qu'il s'est mal mis. C'est peut-être une erreur de sa part. Après, dévasté, c'est un mot assez fort, hein. Ça reste du biathlon. Et tout est extrapolé avec Émilien dans le positif comme dans le négatif. Mais voilà, c'est une course à oublier tout simplement. Il y en aura d'autres de sa part et il y en aura d'autres de magnifiques aussi. Et on va se souvenir des magnifiques qu'il nous a donnés. Et celle-ci, ma foi, bon, bah, il a fait un tour de récup à la fin. Et c'est comme ça, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de quoi se dévaster longtemps. Oui, bien sûr, on retiendra évidemment sa médaille sur le sprint. Et puis bien sûr, ce titre conservé avec brio, avec maîtrise sur la poursuite. C'était en tout début de ces championnats du monde. Merci beaucoup Sandrine pour ce débrief sur nos Français et nos Françaises du jour. On te retrouve dans quelques minutes. On sera avec Arthur pour bien parler de la perf du fait du jour. Merci Sandrine. RTL de Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies. 18h38, on revient en studio, toujours avec nos partenaires et toujours avec Sandrine Mailly qui est toujours là avec nous par téléphone, et on accueille Arthur aussi de la rédaction de Nordic Mag, Thomas. Exactement, pour ouvrir cette troisième partie, on va parler du fait du jour, de la perf du jour. On est donc, comme tu disais, toujours avec Sandrine Mailly qui était en direct avec nous, et on est rejoint également par Arthur Massot de la rédaction de Nordic Mag. Alors avec toi aujourd'hui, eh bien le fait du jour, la perf du jour, il était difficile et compliqué de parler de quelqu'un d'autre que de Lisa Teresa Hauser, aujourd'hui la nouvelle championne du monde donc de la Mastart. Et cette saison, elle avait déjà acquis un nouveau statut, hein, sur le circuit mondial. Mais ouais, comme tu le dis, plus ou moins, en étant sacrée championne du monde, elle franchit un nouveau cap, celui de l'histoire en quelque sorte, en devenant la première Autrichienne médaillée d'or sur des mondiaux de biathlon. Longtemps, Lisa Teresa Hauser était restée une athlète un petit peu de seconde zone, celle qui peut jouer en top 10 dans ses bons jours, hein, mais jamais bien plus haut. D'ailleurs, avant Pokljuka, sa meilleure performance sur des mondiaux, ça restait une 7e place. En Slovénie, elle est rentrée dans une autre dimension. Elle a terminé ses 7 courses dans le top 10, relais compris. Acquis 2 médailles d'argent sur les mixtes et la poursuite, remporté le globe de l'individuel, mais surtout décroché aujourd'hui l'or ce midi, ce qui donne en vrai relief à son palmarès. Et pour revenir rapidement sur la course, mais Florian l'a déjà fait un peu plus tôt, dans des conditions venteuses, elle a réalisé le seul 20 sur 20 avec sa carabine, et grâce à son niveau sur les skis, elle est toujours restée aux avant-postes et a pu apprécier dans le dernier tour ces instants qui resteront à jamais gravé dans sa mémoire. Ouais, Lisa Teresa Hauser, qui est donc la perf du jour pour toi sur cette course féminine. Sandrine, c'est vrai que l'Autrichienne a changé de statut, hein, cet hiver, et notamment en cette année 2021. Carrément, c'est vrai que l'année passée, si on regarde le classement général de la Coupe du Monde, elle était 18e avec très peu de place en fait dans les 10 premières. Elle a vraiment fait une ascension fulgurante cette saison. Il y a aussi des choses qui ont changé au sein de l'équipe. C'est bien de rappeler que l'équipe autrichienne n'avait pas d'équipe féminine jusqu'à présent. Elle devait s'entraîner en fait avec les garçons. elle était un peu seule. Et puis après, ils ont décidé de mettre un entraîneur pour elle. Et finalement, c'est aussi la fille qui permet aussi de ramener les relais mixtes, qui permet de faire des perfs aussi aux garçons. Donc, c'est l'histoire est belle aussi, et c'est presque dommage qu'ils aient mis autant de temps avant de créer vraiment un groupe performant chez les femmes, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que Lisa Hauser a changé de statut. On le disait, elle est désormais quatrième du général, et vraiment cette année 2021, à partir de son premier podium hein, sur le sprint d'Oberhof, eh bien, elle a cessé d'enchaîner effectivement les très belles perfs. Et voilà, ça fait partie des athlètes qu'il faut surveiller maintenant dans ce circuit féminin. On passe à la course des garçons avec toi, Arthur. Eh bien, là aussi, tu veux nous parler du champion du monde qui restera peut-être l'homme de ces mondiaux sur la Holm Lagrid, donc le nouveau champion du monde de la Mastart. Ouais, je suis pas très original effectivement, on en a parlé un petit peu en off, mais en même temps, remporter la Mastart pour ses premiers mondiaux, c'est tout sauf anodin, et c'est ce qu'a réalisé sur la Holm Lagrid aujourd'hui. Ce qui est encore moins anodin, c'est que le dossard bleu repart de Slovénie avec 4 médailles d'or. Alors, il avait déjà remporté le relais mix la semaine dernière, l'individuel mercredi, le relais homme samedi. C'est costaud. Alors ce dimanche, le Norvégien a réalisé la course qu'on attendait de lui. Il n'a jamais quitté les avant-postes, enchaîné les 100 photos tir. À l'aube du dernier debout, il s'est même isolé en tête pour se donner une marge de sécurité dans le dernier tour. Et bien, il en a pris, puisque malgré sa faute, c'est bien lui qui est ressorti en tête du pas de tir et qui a levé les bras sur la ligne. Alors, on pourra en discuter. Tu as déjà un petit peu vendu la mèche. Et pour moi aussi, sur la Lagrid, eh bien, l'homme de ces mondiaux 2021. Ouais, effectivement. Analyse partagée par Sandrine Bailly. Ouais, bah, clairement. C'est vrai qu'on s'attendait plutôt à Johannes Bö, finalement. Et puis, il est là, mais il n'est pas non plus super dominant comme on pouvait l'imaginer. Et puis, il se fait piquer la vedette un peu par ce jeune athlète qui vient d'avoir 24 ans et qui juste incroyable de précision, de vitesse et puis de maturité en fait, alors qu'il est encore très jeune. Et puis surtout, belle explosion aussi. Hein. C'est en fait aujourd'hui, c'est un peu le jour de ceux qui ont tout cassé cette saison et qu'on n'a pas forcément vu venir avant, quoi, puisqu'il était encore au championnat du monde junior en 2018, cet athlète. Et puis l'année passée, il a fait quelques brèves venues, mais voilà, on ne pouvait pas forcément parier sur lui cette saison. Peut-être une nouvelle génération hein, qui est en train de prendre ses marques, incarnée notamment par ce Norvégien. L'effet du jour, moi j'aurais pu parler notamment de la très belle course de Baiba Bendika, l'Lettonne, qui est passée pas loin de, on va dire, de l'exploit, même si je vais mettre des guillemets à ce mot-là, qui était placée pour aller chercher la médaille, mais peut-être mieux aujourd'hui la Lettonne de 29 ans qui est une athlète expérimentée hein, qu'on voit souvent en Coupe du Monde, un peu plus de 130 départs déjà, donc voilà, c'est une athlète expérimentée mais qui a failli faire le coup du jour. Et puis du côté des garçons, on aurait pu parler aussi des Canadiens, les Canadiens qui ont été plutôt présents aussi hein, dans ces championnats du monde, avec notamment Christian Gau, le petit frère de Scott Gau, qui termine 11e aujourd'hui. Enfin voilà, on a vu aussi les nations nord-américaines présentes. Hein. On avait parlé de Jake Brown dans une émission précédente. Les Nord-Américains ont été présents, les Canadiens, les Américains. Voilà, on a vu beaucoup de nations hein, représentées aussi, Sandrine, dans ces mondiaux. Ouais, c'est vrai. Comme souvent, finalement, je trouve que ce sont des nations qui arrivent plutôt à bien se mobiliser et à être un cran supérieur lors de grands rendez-vous. Donc l'année passée, il y avait une Suzanne Dunkley qui avait fait médaille. On avait vu aussi un Lowell Bailey être champion du monde il y a déjà quelques années. Mais voilà, ce sont des nations qui arrivent vraiment à être en forme. On sait qu'ils passent longtemps loin de chez eux et qu'ils ont vraiment beaucoup de mérite parce qu'ils voient très peu leur famille et ils rentrent très peu à la maison. Et voilà, de ce fait, ils arrivent encore mieux aussi à essayer d'être au top pour ces grands championnats où la médaille, au moins, il faut se montrer un petit peu aussi pour le pays, quoi. Exactement. Christian Gau, qui est actuellement 30e du général. Tiens, tu parlais des médailles. On peut citer aussi cette médaille décrochée par le relais canadien. C'était en 2016 à Oslo, avec notamment Christian Gau et puis son grand frère Scott. Voilà, c'était les choix, en tout cas, d'Arthur et l'analyse de Sandrine Bailly sur ses faits et ses perfs du jour. Donc, sur la grid, Lisa Hauser pour Arthur aujourd'hui. Nos deux nouveaux champions du monde sur cette discipline de la Mastart. Merci beaucoup, Arthur. Merci infiniment, Sandrine, d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir porté chance aussi à l'équipe de France sur cette médaille de Quentin Fillon. Bah, merci. Merci beaucoup, je ne sais pas si j'y suis pour grand chose, mais bon, merci, à bientôt. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les Saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Et on revient rapidement en studio parce qu'on n'a pas fini avec cette heure biathlon et comme tous les jours, j'ai l'impression que ça va bien trop vite. On accueille à nouveau la rédaction de Nordic Magazine avec Arthur et Marie Thomas. Et oui, pour ouvrir cette quatrième et dernière partie dans cette heure biathlon avec donc toujours Arthur Massot qui est avec nous en direct et on accueille effectivement Marie Le Bobinec. Salut Marie. Bonsoir Thomas, salut à tous. Alors avec toi, on va évoquer, eh bien, le, comme traditionnellement, le flop, la déception du jour. On va commencer par la course des dames avec toi et tu veux nous parler aujourd'hui de Lisa Vitozzi, l'italienne, cinquième aujourd'hui. Alors cinquième, c'est certes sa meilleure performance de la saison, mais j'ai choisi de la retenir pour ma petite déception du jour parce qu'on pouvait espérer beaucoup plus de, comme performance. En fait, elle se présente au dernier tir et elle joue le podium carrément. Elle fait un super tir très très engagé et voilà, elle sort en deuxième position avec Holzbo et Tendrevold 10 secondes derrière elle et Thierry Lecoq 20 secondes derrière. Donc on peut espérer à la médaille, mais voilà, elle s'est fait littéralement avaler dans le dernier tour et elle a rien pu faire en fait pour essayer de jouer le podium. Voilà, aujourd'hui elle a seulement le 16e temps de ski à 1 minute 20 Thierry Lecoq. Donc voilà, c'est vraiment sur les skis que ça a pêché. Puis c'est dommage parce que cette médaille, ça aurait un petit peu pu sauver sa saison, on va dire, parce que cette année, elle est vraiment dans la difficulté. Voilà, elle a seulement 3 top 10, dont 2 réalisés sur ses championnats du monde. Donc voilà, elle est à la recherche de bonnes courses. Et puis globalement, c'est l'Italie en règle générale qui a un peu failli sur ces mondiaux parce que l'Italie n'a rapporté aucune médaille et c'est la première fois que ça leur arrive sur des championnats du monde depuis 2012. La déception du jour pour toi sur cette course féminine et puis avec toi Arthur, eh bien on va parler de quelqu'un qui termine au pied du podium, c'est Marthe Holzbo-Reuseland, quatrième aujourd'hui. Dans le coup, tout proche, mais finalement Marthe Holzbo-Reuseland est à nouveau battue, devancée sur la ligne par Thierry Lecoq. Alors son bilan des mondiaux 2021 est sévère, aucune médaille individuelle. Pourtant, elle aura encore une fois été dans le coup tout au long de la course du jour, et sur le pas de tir, elle n'a réalisé qu'une faute, et seule la vainqueur, Lisa Teresa Hauser, on en a parlé, a fait mieux, mais pas supérieure sur les skis, elle n'a jamais réussi à faire la différence en temps de revold, et elle a subi la loi des coffres au sprint. Dans sa quatrième place, avec l'eau des mondiaux catastrophiques pour elle, jugée plus tôt, en 10 jours, elle n'a jamais accroché aucun podium, et surtout, elle a perdu son dossard jaune de leader. Elle est désormais troisième au général. Ses chances de gros globe s'amenuisent course après course. Plus qu'en flop du jour, c'est même en flop des mondiaux, si j'anticipe un petit peu. Voilà, il anticipe un petit peu l'émission bilan qu'on fera demain soir, Arthur. Mais effectivement, on reparlera très certainement de Marthe Holzbo-Reuseland qui, effectivement, a perdu gros lors de ses championnats du monde pour cette quête du gros globe de cristal. On passe à la course des garçons. On retrouve Marie. Et Marie, eh bien, tu veux nous parler d'un des locales de l'étape. Jakob Fak, qui, lui non plus, n'est pas passé très très loin de la médaille aujourd'hui. Oui, complètement. En fait, c'est le même schéma de course que Lisa Vitozzi. Il termine en 5e position avec un 19 sur 20 et jusqu'au bout, il aura pu jouer le podium. Il se présente au 4e tir pour la médaille. Alors il sort une balle au dernier tir, mais il sort quand même en 2e position avec Simon Eder. Mais voilà, il s'est fait croquer aussi dans le dernier tour. Quentin Fillon-Maillet et Johannes Dalé sont revenus sur lui très rapidement et voilà, comme les Avitotti, il n'a rien pu faire et il termine seulement cinquième. En plus, il y avait de grosses attentes autour d'Jakob Fak sur ses mondiaux parce que déjà cet hiver, il est plutôt bon, hein, il est actuellement 11e au classement général de la Coupe du Monde. Il a déjà réalisé un podium cet hiver, il avait terminé 3e de la Mastart en Tolse il y a quelques semaines. Et en plus, c'est un homme de grand rendez-vous, comme on l'a dit plusieurs fois au cours de cette émission. C'est un homme qui se mobilise sur les grands événements. Il a 8 victoires en carrière. Il y en a 2 quand même qui ont été réalisées sur des championnats du monde. Donc il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. Et en plus, c'était la plus grande chance de médaille pour la Slovénie, donc la nation hôte, qui repart donc bredouille de ses propres championnats du monde. Oui, bien sûr. Et puis à 33 ans, bien, c'est peut-être tout simplement les derniers mondiaux hein, pour Jakob Fak. En tout cas, une des dernières chances. On le reverra certainement l'an prochain pour les Jeux Olympiques, bien sûr. Mais quid de la suite de sa carrière déjà à 33 ans pour Jakob Fak. C'était effectivement une belle façon pour lui de clôturer en tout cas une carrière riche en médailles sur les grands rendez-vous internationaux. Et puis toi, Arthur, eh bien, bien. Tu voulais nous parler d'un homme en jaune quand même, de Johannes Bø aujourd'hui. Dans ta déception, ton flop du jour, c'est le Norvégien pour toi. Et on comptait sur la master de l'après-midi pour qu'il remette l'église au centre du village. On imaginait que dans une course des maîtres, Johannes Ingels Bø rappellerait qui est le double vainqueur du Gros Globe en titre, qui est le dossard jaune, qui est le meilleur biathlète du monde, tout simplement. Mais l'affaire a tourné court. Deux fautes sur le premier couché, il va la reléguer dans l'anonymat, au-delà de la 20e place, grâce à ses facilités sur le ski. Il s'est replacé dans le groupe des outsiders, celui qui est resté aux aguets au cas où, mais il n'ira jamais plus haut. Trois fautes sur le debout le ramènent au rôle de figurant. Au final, il franchit la ligne 8e, son plus mauvais résultat de ces mondiaux. Et surtout, on en a déjà parlé il y a quelques minutes avec Sandrine Mailly, il s'est fait voler la vedette par ses compatriotes Legrid et Dalleux, premier et second. Et ça peut être en sens, ça ne peut être pas innocent. Ouais, Johannes Bø qui perd aussi de précieux points dans la lutte pour le classement général, bien sûr. Et ça fera partie des sujets qu'on abordera très certainement dans notre émission de demain. Bien voilà, c'était les choix et les déceptions du jour, les choix d'Arthur et de Marie de la rédaction de Nordic Mag pour ces deux masters qui ont donc clôturé ce programme des championnats du monde. L'émission touche à sa fin. On en profite quand même pour vous donner rendez-vous dès demain. Pareil, le même format, 18h-19h pour une émission bilan. Voilà, on reviendra sur l'ensemble des performances des Français, des Françaises, l'effet du jour, ce qu'il faut retenir. Et puis on essaiera de voir aussi ce qui va nous intéresser, bien sûr, pour la suite de la saison, les différentes luttes pour les petits globes et les classements généraux, bien sûr. Ça sera donc cette émission bilan demain soir, 18h-19h en direct sur RTL2 Massif de Savoie, bien sûr, avec toi, Pierre. Toujours et encore, fidèle au poste. Et puis on rappelle également que les émissions sont disponibles, bien sûr, oui, en podcast. Sur les podcasts. Voilà. Et 20h le soir, 20h-20h30 à peu près, pour la mise en ligne. Oui. On est à peu près dans ces eaux-là, dans ce timing-là, pour retrouver donc cette émission en podcast sur les différentes plateformes, sur RTL2 Massif de Savoie notamment. Le site, oui, bien sûr. Voilà. Sur nordicmag.info également, leur biathlon, également sur Spotify, sur Deezer, enfin bref, plein de choses différentes pour aller télécharger et écouter ces podcasts. Grand merci Thomas, merci Sandrine, merci Arthur, merci Marie pour cette nouvelle heure biathlon. Et puis comme tu le disais, effectivement, on a décidé de jouer un petit peu les prolongations puisqu'on se retrouve lundi, toujours à la même heure, pour faire le bilan de ces championnats du monde. Un grand merci à vous tous d'être à l'écoute. Allez, ciao. Salut. À lundi. À demain, donc. RTL de Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.